Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de la pensée complexe? Ah. Alors, c'est une nouvelle manière de penser, enfin, une manière de parler, une manière de dire, parce que ça existait dans ce qu'on appelle les peuples primitifs avant l'écriture. Mais depuis Aristote, disons, enfin, dans tout ce qui est culture, on a été complètement conditionné par ce qu'on appelle la logique d'Aristote. C'est-à-dire qu'une chose, une affirmation ou un discours est vrai ou faux. Il n'y a que deux alternatives. Alors qu'en fait, il y a une autre manière de penser. Enfin, ça, c'est la manière de penser simple qui est scientifique, on va dire, la science d'aujourd'hui. Maintenant, il y a une autre science qui dit qu'il y a trois termes, c'est-à-dire il y a un équilibre possible entre le vrai et le faux. Et c'est un troisième pôle. Et c'est aussi, au moins aussi scientifique que les autres, parce que si ça vous intéresse d'approfondir, il y a un site qui s'appelle l'Association pour la pensée complexe, qui est animé par un scientifique du CNRS qui s'appelle Edgar Morin, et où il y a des milliers d'adresses et de textes d'autres scientifiques du monde entier qui sont. Il y a des prix Nobel, il y a de toutes les disciplines qui pratiquent cette pensée complexe, seulement qu'on n'en entendra jamais parler à la télévision ou dans les journaux, etc. Parce que c'est complètement différent et c'est très difficile à expliquer. Alors c'est. Disons que. En principe, il faudrait être très intelligent pour en parler. Bon, comme moi je ne suis pas intelligent, je vais en parler quand même. Alors je vais essayer. Alors, complexe, ça veut dire, en fait, ça vient de tisser ensemble. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment fonctionne un métier à tisser. C'est-à-dire, on met d'abord ce qu'on appelle une chaîne pour faire l'ourdi, c'est-à-dire qu'on prépare un tissu et ensuite, transversalement, comment ça s'appelle déjà? On fait la trame, voilà. Souvent on dit le contraire, mais en fait le terme technique c'est il y a l'ourdi, c'est-à-dire les premiers fils, et ensuite on croise avec la trame. Ça veut dire tisser ensemble, et c'est la manière, disons, différente de voir la réalité. La manière habituelle, disons, de la pensée simple, c'est de voir simplement l'ourdi, c'est-à-dire de voir que d'un côté la manière binaire. Il n'y a qu'une le vrai ou le faux, aussi l'identité. Une chose peut avoir qu'une seule identité, c'est-à-dire bonne ou mauvaise. Mais la réalité, en fait, elle est ni bonne ni mauvaise. Il y a toujours un peu de bon dans le mauvais, un peu de mauvais dans le bon. Je vous donne un exemple, c'est par exemple, si on pense à l'unité, par exemple, de l'humanité. Dans l'unité, il peut y avoir d'un côté la fusion, c'est-à-dire tous ensemble, mais de plus en plus ensemble, c'est illimité, on peut fusionner à l'infini. Et d'un autre côté, c'est la distance. C'est-à-dire on peut se distancer de plus en plus, toujours vers l'infini, mais on sera toujours, de toute façon, en lien avec on aura toujours la possibilité de refusionner. Donc il y a toujours un lien entre la fusion et la distance. Et le lien, comme tous les liens, c'est ce qu'on devrait appeler l'amour. Mais ce que je précise tout de suite, c'est pas l'amour sexuel comme on en parle tout le temps aujourd'hui. Le seul terme technique, disons, que j'ai trouvé, c'est les Tibétains qui appellent ça l'amour tendresse ou la compassion. Et ça aussi, c'est pas évident à expliquer, mais. Mais ce qui est difficile, c'est pas tellement de comprendre, c'est de se défaire des habitudes qu'on a apprises à l'école, qu'on voit dans les journaux, la télévision, la politique, etc. Où la manière de fonctionner, c'est, par exemple, ce qu'on voit dans la politique d'aujourd'hui, c'est nous, on est les bons, et donc les autres qui ne sont pas d'accord avec nous, c'est les méchants. Et donc il faut tuer les méchants, c'est simple. Pour avoir la paix, il faut tuer les méchants, il n'y a pas d'alternative. si on pense à la pensée ternaire, dire non, les tout le monde est bon et tout le monde est méchant. Je pense que c'est arrivé à tout le monde d'avoir un moment d'émotion intense, ou par exemple quand on prend une contravention, l'envie de tuer quelqu'un comme ça au hasard. Bon, j'exagère un peu, mais c'est ça. Donc même nous qui sommes les bons, qui sommes les gentils, qui sommes intelligents, etc., etc., bon, ça peut toujours nous arriver d'être méchants. Donc tout le monde dans l'humanité, tout le monde est bon, tout le monde est méchant, tous les liens sont possibles. Et donc c'est une pensée qui permet justement de relier les choses. Et ce qui rend les choses difficiles, c'est, disons, ce que moi j'appelle la culture d'aujourd'hui, qui n'est plus une culture. C'est un peu la culture, c'est ce qui existait avant l'invasion des médias américains, ou justement dans les films américains, par exemple, vous voyez, les bons, c'est toujours les Américains, les méchants, c'est les autres. Et ce qui fait, c'est dans cette manière de voir les choses, c'est de la spécularité. Non. C'est-à-dire, c'est toujours le culte du spectacle. C'est-à-dire, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait du mouvement. Même s'il y a des émissions scientifiques, sur une émission d'une heure, on vous présente 10 sujets différents, on passe de l'un à l'autre, sans prévenir, sans contexte. Et on dit des tas de choses qui sont vraies, mais qu'on ne peut pas comprendre, parce qu'on n'a pas le temps. Il faut du temps pour comprendre. Comme il faut du temps pour tisser, il faut du temps pour réfléchir, il faut du temps pour discuter avec les autres. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre tout seul, ou en parlant devant un miroir. On a besoin de l'avis des autres. Et l'avis des autres, plus il est différent, mieux c'est. Mieux on peut comprendre et mieux on peut approfondir sa propre compréhension. Donc c'est pas une question de bien ou mal. Là, par exemple, dans la science, c'est-à-dire la science simple qui est jusqu'à maintenant, si vous êtes à l'école, mais même dans la vie, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous êtes un imbécile. Alors que dans la pensée complexe, par exemple, le contraire d'une vérité, ce n'est pas une erreur, c'est une vérité contraire. Donc il y a toujours un rapport dialectique entre le bien et le mal, le plus et le moins, le masculin, le féminin, etc., qui sont liés, et la pensée complexe, c'est s'attacher à ce lien, c'est-à-dire ne plus voir les extrêmes, mais voir le lien, se concentrer sur le lien et prendre le temps de réfléchir, de le trouver, de le cultiver. Et par exemple, le lien avec la nature. C'est-à-dire que tout ce qui se passe actuellement de destruction de la nature, de l'anti-écologie, de destruction de l'humanité avec la guerre, les bombes, etc., c'est toujours basé sur le principe binaire. Bon, qui est arrivé dans la science avec Descartes. Hein. Mais c'était pour être tranquille avec l'Église, comme à l'époque l'Église pouvait facilement brûler quelqu'un qui se permettait d'avoir un avis qui n'était pas conforme à l'Église. Donc il a dit non, c'est ce qui regarde l'être humain, c'est pour l'Église, c'est la foi, c'est la recherche, etc. C'est pas mon truc. Mon truc, c'est la science, c'est l'extérieur, c'est le monde extérieur. Alors si on est séparé du monde extérieur, on peut le détruire, comme les autres a priori font partie du monde extérieur, on peut les tuer, il n'y a pas de problème. Alors qu'en fait, si on réfléchit qu'on est en lien avec tout, parce que c'est ce qu'on voit justement aujourd'hui, si on détruit la nature, on se détruit nous-mêmes. Donc il y a un truc qui cloche. Il faut une autre manière de penser, une autre manière d'y réfléchir. Parce qu'on peut développer l'écologie, on peut faire des manifestations, protester, mais tant qu'on ne change pas la manière de penser, on refera toujours les mêmes choses. Et donc, voir cette manière différente de penser... Attendez, j'ai préparé des trucs parce que... Mon passif, c'est ma manière de penser, mais pour expliquer le ternaire, il faut parler en binaire. Alors, c'est pas évident. Alors, tiens, en attendant, je vous conseille un bouquin. Ah oui, en parlant de l'intérieur, voilà, c'est de ça que je voudrais parler maintenant. Derrière l'intérieur de l'humain, qu'est-ce que c'est l'être humain? On n'en sait rien. On sait, c'est toujours dans le système binaire. Il y a un squelette, il y a des os, il y a des vaisseaux sanguins, il y a le cerveau, il y a les jambes, les bras, etc. Mais c'est quelque chose que qu'on a défini l'être humain de cette manière depuis 100 ans à peu près ou plus. C'est-à-dire à partir du cadavre. Donc un être humain, c'est un cadavre qui a une certaine quantité d'os, de vaisseaux sanguins, de nerfs, etc. Mais si on voit l'intériorité de l'être humain, on peut le voir que vivant. Et à ce moment-là, on ne peut plus simplement voir des chiffres énumérés, dire voilà, tant de choses, tant d'os, tant de vaisseaux sanguins, tant de cellules, etc. Dire mais comment ça fonctionne tout ça? À ce moment-là, il faut arriver à la pensée ternaire. Et je vous conseille déjà, c'est quand l'esprit dialogue avec le corps. C'est des entretiens de plusieurs scientifiques avec le Dalai Lama. Et des scientifiques, justement, de neurologues et surtout un immunologue. Parce que notre première identité, ce qu'on trouve le premier en allant à l'intérieur de soi-même, c'est le système immunitaire. C'est-à-dire c'est notre identité parce que notre corps, il sait qui on est nous. La preuve, c'est que s'il y a une agression, le corps se défend. C'est-à-dire si quelque chose, quoi que ce soit, ne nous appartient pas, ne fait pas partie de nous-mêmes, n'est pas bon pour nous, le corps va tout faire pour le rejeter. Donc le corps, il sait qu'est-ce qui est bon, il sait qu'est-ce qui n'est pas bon, et qu'est-ce qui peut devenir bon, et donc il va le gérer. Et je ne sais pas si vous avez déjà, enfin il n'y a pas longtemps, on a parlé le cerveau dans le ventre, c'est-à-dire le cerveau intestinal. Voilà. Il y a eu des revues il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 mois sur ça, ça a fait un gros truc. C'est-à-dire qu'on a découvert récemment que dans les intestins, il y a autant de neurones que dans le cerveau. Donc, et le problème maintenant, c'est à quoi ils servent tous ces neurones? C'est-à-dire le cerveau, normalement on utilise 10% des neurones qu'on a dans le cerveau. Et les 90% qui restent, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Et en plus, on en a encore autant dans les intestins. Et les intestins, c'est justement dans ce qu'on mange, c'est les intestins qui décident qu'est-ce qui va être intégré et qu'est-ce qui va être rejeté. Donc ça fait partie aussi de notre vraie identité profonde. Et c'est quelque chose qu'on peut connaître, mais pas maintenant. Qu'on peut connaître en entrant en soi-même. Et à ce moment-là, moi j'aimerais parler de méditation, mais c'est un mot piégé ça aussi. C'est-à-dire simplement quelque chose même que vous pouvez vous faire tout de suite. Hein. Simplement écouter son corps. Être attentif, d'ailleurs sans rien vouloir, c'est ça la difficulté. C'est comme je disais tout à l'heure dans la société où on est toujours attiré vers les choses extérieures, les choses qui changent tout le temps. Avec la télé, il faut changer de bagnole, il faut changer ci, il y a toujours du changement, on est toujours distrait de soi-même. On n'a jamais le temps de se concentrer sur soi. Et ce qui se passe en fait, c'est... Justement, on parle beaucoup du plaisir, qu'il faut prendre son plaisir, etc. Mais en fait, on est toujours excité, c'est-à-dire par les affiches, par la lumière, par des tas de choses, mais le plaisir, on ne sait plus ce que c'est. Tandis que quand on rentre en soi-même, simplement on est attentif à son propre ressenti. Et il se passe plein de choses. Hein. C'est-à-dire que dans nous-mêmes, c'est tout un monde. Enfin, pour moi, c'est... comme quand je vais dans une nouvelle région que je connais pas, où il y a des montagnes, des forêts, des lacs, des rivières, etc. Ben en nous-mêmes, c'est pareil. On sent plein de choses, mais c'est toujours... Enfin, évidemment, c'est un autre plaisir. Alors, les mots, c'est toujours des pièges. Hein. Mais rien qu'en faisant ça... Enfin, il faut un peu de temps quand même. C'est pas au bout de 5 minutes. Mais en prenant l'habitude simplement de se ressentir soi-même, on ressent un énorme plaisir, mais tout le temps, c'est-à-dire 24 heures sur 24, même en dormant. Et même en dormant, on peut apprendre des choses, on peut comprendre des choses, et parce qu'on peut se parler à soi-même. C'est-à-dire entre moi et je peux discuter. Comme là, je peux faire un débat, je peux délibérer, parce que mon système nerveux, il va comprendre les choses extérieures, il fait des expériences dans la journée, je vois plein de choses, je rencontre des gens, je travaille, etc. Mais mon monde intérieur, lui aussi, il vit plein de choses. Il perçoit plein de choses à travers tous ces neurones qu'il a. Comme ça, même en passant, mais bon, c'est une petite provocation, c'est que on parle beaucoup de 5 sens, mais en fait, on en a 12. Simplement, les autres, il faut aller les chercher. Il faut apprendre à ressentir sans vouloir ressentir quelque chose, sans s'attendre à quelque chose. Dire simplement être autant que possible neutre. C'est-à-dire, je m'écoute, tout simplement. J'écoute ce qui se passe. Et petit à petit, je vais découvrir qu'il se passe plein de choses. Et que toutes les choses qui se passent en moi vont modifier mes perceptions, c'est-à-dire du monde extérieur. Et quand mes perceptions du monde extérieur vont se modifier, ça va modifier ce que je ressens. Et ce que je ressens en étant modifié va modifier mes perceptions, etc. Et ça, c'est la construction de mon identité personnelle. C'est-à-dire là, c'est moi qui décide. Et il y a un autre mot difficile à utiliser, mais à ce moment-là, il y a une conscience qui se développe. Et on parle jamais de conscience, on ne sait pas trop ce que c'est, donc bon, on sait que ça existe, mais je vous défie de trouver un livre scientifique sur la conscience. Et justement, la conscience, c'est la rencontre de ces deux mondes. Parce que ce que je perçois et ce que je ressens, c'est pas la même chose. Ça correspond pas, forcément. Mais ça fait partie de l'être humain de pouvoir être tranquille, en paix avec soi-même, quand on arrive à, je ne dis pas à faire coïncider, parce que c'est pas possible, mais d'une certaine manière, à prendre le contrôle de ce que je perçois et de ce que je ressens, et de mettre toujours en doute ce que je perçois par rapport à ce que je ressens, et ce que je ressens par rapport à ce que je perçois. Parce que c'est ce qui va me faire progresser, justement. C'est-à-dire, c'est le doute, on dirait un doute constructif. Et tout en sachant que ce que je vais trouver, c'est à moi, ça m'appartient. Je peux rencontrer des milliers de personnes qui me disent, mais non, t'es con, ça sert à rien, c'est pas ça, ça n'existe pas, c'est ton imagination. Oui, c'est mon imagination, c'est mon imagination qui me dit ça. Et ça, c'est à moi. Et si les milliers de personnes ne sont pas d'accord, mais je m'en fous, moi c'est ce que je ressens. Je voudrais même vous lire un truc de haute psychologie, si j'arrive à le trouver, que j'avais préparé plein de trucs, mais naturellement je ne vais jamais les retrouver. Sur notre manière de fonctionner, justement. Alors ça peut avoir l'air compliqué comme ça, mais c'est très simple. Toute personne se comporte de la façon la plus satisfaisante à ses yeux, compte tenu de sa représentation du monde. C'est-à-dire qu'on est, en fait, on est toujours en train de se justifier. Et toute personne construit sa représentation du monde, c'est la représentation du monde qui, à ses yeux, explique de la façon la plus satisfaisante sa façon d'agir. C'est-à-dire qu'il y a toujours, mais là c'est en général c'est inconscient, c'est-à-dire normalement parce qu'on n'est pas éduqué à faire ça. On justifie ce qu'on pense par le fait qu'on agit d'une certaine manière, et on justifie nos actions par rapport à ce qu'on pense. C'est-à-dire que c'est un peu ce que je disais, c'est qu'en fait, on arrive toujours à s'accepter dans le fait qu'on arrive toujours à penser et à agir d'une bonne manière pour nous. C'est-à-dire, on peut tout justifier. Je suis sûr que même, je sais pas, Hitler ou Saddam Hussein ou les autres, ils étaient convaincus d'être bons et que c'était bien ce qu'ils faisaient. Parce qu'ils avaient la pensée qui correspondait à leurs actions. Et c'est ce que tout le monde essaye de faire. Parce que si on n'y arrive pas, alors il y a des psychiatres qui sont prêts à s'occuper de vous, et des psychologues, et même dans toutes les revues féminines, vous pouvez trouver des tas de solutions. Dire, il y a le truc, vous êtes malheureux, bon, il y a un truc, vous faites ce que vous avez envie. Bon, pour moi, c'est pas du tout ça. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on a envie. Il faut d'abord le trouver. Mais pour le trouver, il faut le chercher. Et le problème, c'est que ça change tout le temps. S'il fait beau, s'il pleut, si je rencontre une personne qui me fait la gueule, ou si le métro tombe en panne, mon monde intérieur, il ne va pas être pareil. Mais je peux arriver justement à guider mon ressenti. Je ne dis pas le contrôler, parce qu'en français, le mot contrôle est négatif. Et on a l'impression de mainmise. C'est simplement, comme je disais, avec la méditation, c'est être attentif. C'est-à-dire, qu'est-ce que je ressens? Et ensuite, petit à petit, avoir confiance en ce que je ressens. Ce que je ressens là, c'est moi. Je suis bien, je suis en paix, j'ai envie de sourire. C'est moi. Quelqu'un m'énerve, j'ai envie de tuer quelqu'un, c'est moi. Il n'y a pas de justification à avoir. Mais il ne faut pas non plus culpabiliser ou des choses comme ça. Simplement, c'est moi, point. J'ai senti ça, ça fait partie de moi. Mais à partir de là, beaucoup de choses vont changer. Et déjà, je vais arriver, si tout va bien, à cette fameuse pensée complexe où il n'y a plus tout est blanc, tout est noir, tout est bon, tout est méchant, etc. C'est... comment dire, tout existe, et moi j'existe dans le monde, et j'ai ma place dans le monde, comme le monde est fait pour moi. C'est la même chose. Et tout ce qui existe est en harmonie. Si je ne l'aperçois pas, c'est que je ne suis pas dans le bon état, ou mental, ou de ressenti. Voilà. Maintenant, je vais m'arrêter là, parce que sinon, moi, j'en parlerai toute la semaine. Alors, si vous avez des questions à poser, je vais essayer de répondre, mais je promets rien. Merci beaucoup, Didier, pour cette intervention très, très, très intéressante, qui soulève plein de questions, je crois. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et je vous passerai le micro à votre tour. Parfait. Tu vas être la première, s'il en faut toujours une. Et du coup, n'hésitez pas. Bonjour, merci d'abord. Je suis désolée, je tiens à être honnête, je suis arrivée en plein milieu, voire à la fin. Je savais pas que vous étiez là, mais j'en ai profité. Alors j'ai écouté la fin et je suis assez d'accord avec une partie de ce que vous dites. Néanmoins, la question que je me pose, vous venez de parler de ressenti et de manière de se positionner vis-à-vis du monde et de réussir à être en accord avec l'harmonie du monde. Néanmoins, comment on peut se situer par rapport au paradoxe qu'on constate tous les jours et à quel moment on peut réussir à se sentir dans un monde en harmonie face à tous les paradoxes de la vie quotidienne et comment est-ce qu'on peut réussir à déconstruire ces choses-là pour être bien? Parce que j'avoue que moi je bosse dessus, mais c'est pas facile, c'est douloureux et je suis pas persuadée d'arriver jusqu'au bout dans le bon sens, en fait. Merci. Mais déjà, il n'y a pas de bon sens. Il n'y a pas de bonne manière. Il n'y a pas de résultat à arriver à rejoindre. C'est simplement vivre. Vivre ce qui est, vivre ce qui se passe. Et il va se passer des choses, mais maintenant, avec la conscience que vous avez, comment dire, de pas être en harmonie, et si vous voulez juger l'harmonie avec votre conscience qui n'est pas en harmonie, c'est pas possible. Alors il faut arriver à se détacher. Voilà, c'est le C'est aussi le terme, comment dire, technique tibétain ou bouddhiste. Ne pas s'attacher à ce qu'on ressent, ne pas s'attacher à ses perceptions, ne pas s'attacher aux relations, aux jugements qu'on se donne par rapport aux relations. C'est-à-dire les vivre, les ressentir pleinement et attendre, voir qu'est-ce qui va se passer, comment mon corps, comment mon être va l'élaborer. Mais je ne peux pas le savoir à l'avance. Et je ne peux pas savoir dire, quand j'aurais pensé comme ça, ça va être le résultat. Non, je ne sais pas le résultat. Parce que si je le savais, j'y serais déjà. C'est ça qui est difficile. Il y a des tas de choses que je voudrais dire, mais dans ce monde où à travers les médias, etc., tout change tout le temps, on est toujours habitué à penser toutes les deux minutes quelque chose de différent, de percevoir un truc différent, on est toujours distrait par des tas de choses. En fait, c'est cette capacité d'écoute qui est inhibée. Alors, parler de paradoxe. Il faut arriver à inhiber l'inhibition. C'est-à-dire, déjà, ressentir ce qu'il y a à ressentir sans savoir ce que c'est. Mais c'est vrai que c'est un problème culturel, parce que dans notre culture, quand on fait quelque chose, c'est pour avoir un résultat. Sinon, on est con. Mais là, non, c'est pas ça. Le résultat, c'est nous. Le résultat, c'est ce petit tapis, il se construit. Et il se juge pas, il se ressent. Et il y a des tas de manières d'évoluer dans ce sens-là. Mais peut-être la première approche, c'est d'inhiber ses perceptions. C'est-à-dire tout ce que je perçois, dire voilà, cette bâche, elle est bleue. Mais est-ce qu'elle est vraiment bleue? Alors tout d'abord, merci beaucoup Didier. Enfin, moi, tu me fais voyager intérieurement et c'est. Non mais j'adore parce que tu dis des choses extrêmement profondes, extrêmement complexes d'une façon très simple. Donc c'est juste voilà. Oui, par rapport au système immunitaire, j'avais envie de rajouter quelque chose. Enfin, je trouve ça génial. Voilà l'idée. Le corps a son identité et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une identité qui est toujours en interaction avec l'environnement. Donc qui est toujours en train de se modifier, aussi en rapport avec l'environnement et ce qui se passe à l'intérieur et les maladies, etc. Donc, génial. Voilà, oui, il y avait juste un truc, mais finalement, c'était juste dans la façon dont tu le disais, je l'ai mal entendu, parce que dans ce que tu as dit après, je pense qu'on va être d'accord. Quand tu dis c'est moi qui décide, et en même temps, ce n'est pas un but. C'est-à-dire, ce que je décide, c'est de ne pas avoir de but, finalement, et de ne pas vouloir presque, ou en tout cas de rester disponible à toute surprise. Voilà. Se laisser envahir par ce qui se passe, sans le fixer. Et alors, moi, j'aimerais rajouter une chose, c'est qu'on a certes l'habitude de penser en termes de but, mais aussi en termes de catégorie. Ce qui fait que quand on ressent quelque chose, hop, on va le classer dans un truc, hop, c'est fixé, ça bouge plus. Alors que juste de le laisser passer, de rester dans la sensation du corps, de ce qui se passe à l'intérieur, mais aussi du psychisme, ça fonctionne aussi avec les idées. Voilà, quand on écoute quelqu'un parler, hop, on a envie de mettre des trucs dans des catégories, de les classer, alors que laisser circuler. Puis alors, ce que j'aime beaucoup, c'est du coup, dans ce que tu dis, tu le fais en même temps, enfin, on le ressent en même temps que ce que tu dis, donc c'est vraiment voilà, l'action avec la parole. Et juste, je voulais rebondir sur ce que tu avais dit quand tu disais l'harmonie dans le monde extérieur. Alors c'est sûr que c'est pas l'harmonie dans le système humain, parce que le système humain n'est pas en harmonie. Enfin, système humain, je veux dire le système social plutôt, enfin le système politique. Voilà la façon dont ça fonctionne institutionnellement. Enfin voilà, c'est pas l'harmonie, elle est pas là-dedans. Elle est dans bien au-delà, enfin voilà, dans la façon dont le monde fonctionne, dont les énergies circulent. Et c'est vrai que rechercher une forme d'harmonie dans le rapport entre les autres, vu qu'il est institué par énormément de choses, qui fait que les gens ne sont pas déjà, comme tu le disais, en rapport avec eux-mêmes, mais en rapport à des imaginaires précis, institués, des discours déjà présents, etc. L'harmonie, elle n'est pas dans les discours déjà institués, quoi. Enfin, je sais pas si c'est très clair. Oui, c'est ça. C'est la difficulté, c'est de passer de la pensée binaire à la pensée ternaire, disons. Mais je voulais vous lire un truc parce que, bon, comme moi, j'ai pas été beaucoup à l'école. J'ai quitté l'école à 14 ans pour aller bosser. Alors, la science, c'est pas trop mon truc. Alors, quand je vois des scientifiques qui pensent la même chose que moi, je dis, qu'est-ce qu'ils sont intelligents? Alors, je vais vous lire un truc de ce fameux Edgar Morin, qui est encore vivant, qui bosse au CNRS, qui a tous les, comment dire, les diplômes qu'il faut pour être défini un scientifique. Donc, parlant de la pensée simplifiante, de la pensée binaire, il dit, ainsi, on arrive à l'intelligence aveugle. L'intelligence aveugle détruit les ensembles et les totalités. Elle isole tous les objets de son environnement. Elle ne peut concevoir le lien inséparable entre l'observateur et la chose observée. Les réalités clés sont désintégrées. Les disciplines des sciences humaines n'ont plus besoin de la notion d'homme. Et les pédants aveugles ont conclu que l'homme n'a pas d'existence sinon illusoire. Tandis que les médias produisent la basse crétinisation, l'université produit la haute crétinisation. Voilà, je crois que c'est clair. Alors, pour pas être crétin et devenir intelligent, on va passer à la pensée ternaire. S'il y a d'autres questions. Oui, n'hésitez pas, j'ai un tour de parole, donc si vous voulez réagir après. Oui, bonsoir tout le monde. Eh bien, je voulais dire que c'est pas par hasard que je suis là aujourd'hui. Je suis contente d'entendre Didier qui parle de beaucoup de choses que je connais, Edgar Morin et ses métamorphoses, etc. C'est magnifique. Hier, j'étais au bois de Vincennes en train de parler de Sahaja Yoga, qui est une expérience de réalisation spontanée du soi, gratuite évidemment, et qui permet de passer de notre état de conscience humain à un état un peu plus évolué de vibrations. On ne sait pas déterminer exactement comment définir tout ça, mais il s'agit vraiment d'établir une harmonie entre nous, entre les plans supérieurs, entre nous et notre petite personne, c'est-à-dire entre le soi avec un grand S et le soi avec un petit S, entre nous et les êtres humains autour de nous, c'est-à-dire de donner une harmonie qui est absolument... je veux dire le but de tout être humain, en fait. Je crois qu'effectivement, on se pose les bonnes questions. Qu'est-ce que je fais sur Terre? Où est-ce que ça me mène? On sait que notre monde est dans un état de totale confusion et beaucoup de gens se tournent vers la méditation. J'étais l'autre jour dans un wagon de première classe où on faisait de la méditation mindfulness. J'avais trouvé ça sur Internet. Je me suis dit, tiens, je vais postuler, je vais aller voir ce qu'ils racontent. Je savais déjà un peu, hein. Mindfulness, pleine conscience. On vous fait une sorte de scan corporel, c'est-à-dire vous remontez des doigts de pied jusqu'au sommet de la tête. Mais après, il s'agit de comprendre s'il y a un petit blocage ici ou là et comment le ressentir. Je tremble. Voilà. Et donc, comme par hasard aujourd'hui, j'habite pas loin. C'est la première fois que je passe par là. Je sais qu'il y a des méditations de Sahaja Yoga gratuitement le mercredi. J'ai même pas l'adresse, à 5 minutes d'ici. Mais j'ai quelques tracts pour ceux que ça intéresse. C'est gratuit, c'est disponible pour tout le monde. Et c'est vraiment actuel. C'est-à-dire maintenant, on est à un état d'éveil collectif de la conscience qui va avec un éveil individuel de chacun, en fait. Voilà. Oui, je voulais simplement rajouter que c'est important aussi de ne pas mettre d'étiquette, c'est-à-dire si je fais quelque chose, il faut que je fasse du yoga, il faut que je fasse de la gymnastique, il faut que je fasse de la méditation, il n'y a pas il faut. Si je fais quelque chose, et puis si ça s'appelle yoga, tant mieux, mais si c'est pas du vrai yoga parfait, tant pis. Si c'est une vraie technique, c'est bien, et surtout, il n'y a rien à payer. C'est-à-dire, si quelqu'un vous offre de vous enseignez quelque chose contre de l'argent, déjà vous pouvez dire c'est pas bon. Parce qu'il n'y a que moi qui peux y arriver à ma manière, à moi. Et je voulais juste vous lire en vitesse quelques auteurs qui m'inspirent. Bon, il y a Edgar Morin, il y a Ivan Illich, déjà vous pouvez, à propos de la santé. Il y a Gregory Bateson, à propos de l'anthropologie. Daniel Goleman, qui a eu pas mal de succès il y a quelques temps, justement sur l'estime de soi, des choses comme ça. Non, c'est, non, celui-là, c'est, enfin oui, si, c'est de lui. Il y a Boltanski, que je vous conseille beaucoup, un livre qui s'appelle De la justice et de l'amour comme compétence. Alors, c'est pas du tout mystique, c'est vraiment terre à terre, mais ça, comment dire, ça fait prendre conscience de beaucoup de choses. Ensuite, il y a Korzybski, qui date aussi de 60 ou plus d'années, qui était un peu des pionniers à propos du langage. C'est-à-dire que le langage et les mots nous séparent. Donc c'est pour ça que c'est important que quand on ressent des choses, quand on perçoit des choses, de ne pas mettre tout de suite des mots dessus. Parce que les mots nous divisent, les mots nous séparent. Les mots nous sont des pièges. Et ensuite, Lou Pascoe, c'est un Roumain qui a démontré justement scientifiquement que le ternaire est possible. C'est-à-dire, si on reste toujours dans le système aristotélien, tant qu'on y croit, on est dedans. Si quelqu'un démontre que non, il y a un autre système qui fonctionne, c'est déjà au moins on sait que ça existe. Ensuite, il y a Paolo Freire, qui est un pédagogue, et Jodorowsky, qui est un tarologue. Oui, alors moi je considère que ce que tu viens de faire là, le topo, c'est une première à Nuit Debout, parce que c'est la première fois, Adèle, tu m'écoutes pas, tu es pour quelque chose, si ce topo existe, hein, c'est la première fois que la pensée complexe a droit de citer sur le territoire de la place de la République. Et jusqu'à maintenant, c'est la première fois que je vois au programme, pardon. Oui, non, mais c'est la première fois que je l'entends, donc je me plante là. Mais c'est la première fois que je vois annoncer une conférence sur la complexité. Donc, je pense que... Alors, la complexité, c'est pas dans le sens du petit Larousse illustré, c'est un petit peu plus compliqué. Ça vient d'Edgar Morin, effectivement. Mais M. Edgar Morin, il a un prédécesseur qui s'appelle Ilya Prigogine, qui est un savant... qui a été précédé par un savant français qui s'appelle Bénard. Et donc, si vous voulez, moi je pense que Nuit Debout relève de la complexité contemporaine et que c'est l'apparition de la complexité sur le territoire public. Et jusqu'à maintenant, ces théories sont soigneusement planquées, y compris par les marxistes. Moi, je me suis frité avec l'Institut Marx à Paris, qui refuse soigneusement de mettre la complexité à l'ordre du jour des conférences. Parce que le marxisme reste vrai à l'échelle locale, patron-ouvrier ou patron-employé, mais il devient faux si on examine la complexité du monde. Comment expliquer l'apparition de Staline? Comment expliquer l'échec de Gorbatchev? C'est écrit nulle part dans les écrits théoriques du marxisme. Et comme ça défrise certains marxismes, on met ces théories sous le boisseau. Donc moi, je n'arrive pas à exprimer mon point de vue au Parti communiste, c'est une des raisons qui ont fait que je me suis tiré. Mais par contre, je pense que j'arrête de parler si vous parlez. Tu prends le micro, s'il te plaît. Moi, je peux pas discuter comme ça. Donc, je continue quand même. Nuit Debout a cultivé la complexité et ne pas la restreindre, parce qu'il y a quand même aussi une tendance à Nuit Debout à vouloir restreindre la complexité en essayant de faire que Nuit Debout devienne utile. Seulement, c'est utile, il dépend du point de vue de chacun. Alors, pour 10 individus, on aura 10 utiles différents qui vont se rentrer dedans. Tandis que si on cultive la complexité, c'est-à-dire si on la développe, on va gagner une bataille énorme, parce que là, on représente vraiment du neuf pour la société française et le reste. Merci beaucoup. Je vais te laisser répondre. Du coup, il n'y a plus de tour de parole, hein, si vous voulez réagir après. N'hésitez pas à me le dire. C'est juste un mot, c'est encore une fois dire on va gagner une bataille. On va gagner une bataille si on ne se bat pas. Parce que si on veut utiliser la complexité pour se battre, on a perdu d'avance. Simplement, entre nous, c'est-à-dire si j'arrive à identifier mon ressenti, le développer, etc., chaque personne que je vais rencontrer, je vais l'aider à le développer. C'est-à-dire tout ce qu'elle va me dire, je vais le ressentir, ça ne va pas me fâcher, quoi qu'elle dise, même si c'est quelqu'un du Front National, comme on a entendu tout à l'heure. Mais au contraire, cette réaction de mon ressenti va aider l'autre personne à ressentir quelque chose, à ressentir qu'elle ressent quelque chose. Et d'ailleurs, c'est comme ça que moi, j'y suis arrivé, parce que disons que je suis devenu des guérisseurs, comme ça, parce que j'en ai pris conscience, mais c'est quelque chose que tout le monde peut faire. À partir du moment où on est dans le bon ressenti, on est obligé d'aider les autres à ressentir. Après, il faut qu'ils le veuillent aussi, ça c'est sûr, ça vient pas comme ça, dire « moi, je vais te guérir, là c'est foutu ». C'est quelque chose qui se passe. Oui, par rapport à ce qu'on est en train de gagner, je suis là depuis le début également. Et au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des gens alcooliques, SDF, très violents, qui nous pourrissaient un peu les assemblées générales, qui intervenaient n'importe comment, qui ne voulaient jamais rendre le micro. Eh bien, ces gens-là, aujourd'hui, parce qu'ils ont eu en face d'eux des gens absolument tolérants, qui les ont accueillis, qui les ont écoutés, qui ne nous ont jamais rejetés. Et là, j'admire des tas de gens qui étaient à nu debout, qui ont été patients, qui ont été adorables. Donc, je parlerai pas de ressenti, mais ça vaut largement le ressenti, toi. Et donc, ces gens-là, aujourd'hui, ils sont là, ils sont clean, ils sont bien habillés, ils boivent plus, ils distribuent des tracts, ils sont complètement engagés dans ce mouvement. Moi, je dis ce mouvement parce que je pense que c'est un mouvement nu debout, mais bon. Et ça, c'est formidable. Et ce que nous sommes en train de gagner, au-delà de la complexité, ou en même temps que la complexité, c'est la révolution. Ce qu'on fait, c'est révolutionnaire. C'est ça, la révolution. Notre mouvement est éminemment subversif. Quand on est là, et toutes les discussions que l'on a, les commissions que l'on fait, les affiches, les actions que l'on fait, c'est subversif et c'est révolutionnaire. Et la révolution est en marche. Et elle n'est pas violente. Il ne faut plus avoir peur de ce mot-là. Moi, je pense que c'est ça, la révolution. Et c'est vrai qu'il faut aller au-delà des théories marxistes et ultra-gauchistes. Il faut voir ce que l'on fait concrètement sur le terrain. Et nous faisons des choses extraordinaires. Dans le sens où ça sort de l'ordinaire. Voilà. Alors, en tout cas, de ce que tu disais là, tu parles de révolution. Moi, ça me fait penser à par rapport à ce que disait Didier, c'est ça hein, que tu disais. C'est la première fois que je prends la parole ici. Hein. Ouais, là, c'est bon. Tu parlais de ressenti, tout ça. Moi, ça me parle énormément ce que tu racontes. Moi, je pense déjà que c'est une révolution intérieure, déjà. Tu parlais de dualité tout à l'heure et je pense que si on raisonne comme ça en termes de dualité, blanc, noir, homme, femme, moi ça me parle pas. Moi j'ai envie de rajouter une notion qui est l'interdépendance. Et tout à l'heure tu parlais de bouddhisme, alors sans faire de prosélytisme, moi ça fait quelques années que je m'intéresse à cette philosophie et elle m'apporte vraiment au quotidien. Et tout à l'heure, tu parlais de ça, et je pense qu'on est tous interdépendants, on est tous unis, et on a tous quelque chose à transmettre. Et moi, j'ai commencé un petit peu la méditation, j'ai fait quelques enseignements bouddhistes, et moi, je me suis changée énormément, la représentation au monde aussi. Et tu parlais aussi tout à l'heure de comment on fait pour vivre avec toutes ces injustices, hein, c'était un peu ça, toutes ces contradictions. Et en fait, oui, moi je suis peut-être un peu comme vous, hyper idéaliste, je suis une putain d'utopiste. Et en fait, la méditation, moi, m'a aidé un petit peu à calmer toute cette colère que j'ai en moi, quoi. Et en fait, il y a un maître lama un jour qui m'a dit... Bouddha, en fait, il a appris à, donc, il a donné des enseignements à ses élèves, il avait des disciples. Il a dit, mais tu sais, c'est impossible de mettre une semelle de cuir sur toute la terre. Je ne sais pas si tu connais ça, pour y marcher, parce que ce serait plus doux, en fait. Par contre, ce que tu peux faire, toi, c'est d'en mettre sous tes propres chaussures. Déjà, donc, en gros, ça signifie que tu peux t'apaiser, toi, ton cœur, ton esprit, déjà, et être en accord avec ton environnement. Et moi, ça m'aide, mais vraiment au quotidien, cette parole, tu vois. Et je suis ressortie là-dedans, j'étais en pleurs, quoi. Et je ne sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je raconte, mais voilà. Donc, je voulais vous en faire profiter parce que moi, ça me guide au quotidien. Merci. Merci, Didier, pour ton intervention. Merci à vous pour le témoignage. Oui, je voulais préciser que je ne suis pas spécialement bouddhiste. Mais le problème, c'est que notre langue, justement, elle est binaire, et surtout dans les sciences. Et ce que je disais, ça vient surtout d'un scientifique qui s'appelle Francisco Varela, qui est un Chilien, et qui est le premier qui a démontré comment fonctionnent le système immunitaire et les cellules, comment elles arrivent à discriminer ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui doit être transformé, comment ça doit être transformé, parce que notre corps est une merveille, vraiment. Il faut rien qu'à l'étudier, enfin, comme le monde, comme la nature. C'est de tout. Je crois qu'on va me prendre pour un fou, mais je suis émerveillé tout le temps, quoi. C'est formidable. C'est fou ce qu'on ait bien fait, même moi. Si vous vous rendez compte. Et c'est vraiment. C'est important, justement, pour. Arriver à passer à la comment dire à la conscience de ce qui se passe. Et ce que tu décris aussi, c'est un autre aspect, disons, de la complexité, mais que j'ai pas le temps de développer. C'est que il y a différents stades, enfin il y en a plein de manières d'y arriver, et dans le langage, surtout avec les autres, pour arriver à exprimer ce qu'on ressent, parce que c'est important. Et une fois qu'on l'a ressenti, qu'on le vit, on a envie de le dire à tout le monde, mais si on le dit comme ça sans préavis, bon, ben, c'est sûr qu'on est classé comme fou, et dire bon, le pauvre, il a pété les plombs, ben, ça y est, quoi. Non, il faut savoir le dire, il faut savoir l'expliquer. Mais alors il y a un processus qui se fait, c'est que au départ, dans le langage normal, on va dire, on est dans l'alliance, c'est-à-dire on est lié par rapport au langage, à la culture, etc. Donc il faut se délier. Il faut arriver à mourir au langage de tout le monde et ensuite se relier avec son propre langage. C'est pas moi qui ai inventé, hein. Et c'est quelque chose qui, comment dire, on apprend des tas de choses, mais par exemple aussi, on apprend à se relier avec la mort. Parce que se délier, c'est mourir quelque part. Et dans notre société, la mort, ça n'existe pas. Non, s'il y a un drame, un accident, oui d'accord, bon, mais on enterre les gens, puis c'est fini. C'est comme, on vit comme si on devait jamais mourir. C'est-à-dire dans la société organisée, comme si on était tous immortels. C'est-à-dire on n'en parle pas, à l'école on n'en parle pas, dans le monde on n'en parle pas, mais mourir, c'est pas la fin de quelque chose, c'est une transformation. Et chaque fois qu'on transforme quelque chose, mais qu'on est conscient de ce qui se passe dans la transformation, c'est qu'on arrive à la suivre, on l'a provoqué, on sait pas bien comment, on sait pas pourquoi, mais petit à petit, on arrive à ressentir cette transformation, cette métamorphose qui est en train de se passer. Et à un moment de mort, je ne trouve pas d'autre mot, ça peut être d'abandon quelque part, mais c'est aussi des mots piégés par la religion. Je crois que... Et ensuite, un processus de renaissance, mais intérieur, c'est-à-dire par rapport à soi-même, on sent qu'on est devenu quelqu'un. on peut, si on se regarde dans la glace, on n'est plus le même. Pourtant, bon, physiquement, il n'y a rien changé, mais on voit qu'on n'est plus le même. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est bon. Il nous reste une toute petite dizaine de minutes. S'il y a d'autres réactions, d'autres questions, n'hésitez pas. Non, bon, bah... Vraiment, s'il n'y a personne, parce que j'ai déjà parlé, mais c'était juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Oui, il y avait... Non, c'est bon, je t'ai déjà complimenté. Et puis, c'est pas une question de compliment, je dis pas ça pour te faire plaisir, je dis ça parce que je le pense. Il y a quelque chose qui m'énerve beaucoup avec les compliments, c'est... Tu dis quelque chose, l'autre... voilà, tu dis par exemple, ah, j'aime bien ce que t'as sur toi, il te dit merci. Mais non, je te le dis pas pour que ça te fasse plaisir, je te le dis parce que je l'aime bien, c'est tout. Ça, tu me dis moi aussi, si tu le portes normalement, oui. Bon, bref, aparté. Mais Hegel disait que le mot, c'est le meurtre de la chose. Donc, en effet, c'est pas que se délier du langage, enfin, relié avec la mort, c'est plutôt que c'est le langage qui fait percevoir nous-mêmes et le monde comme des choses mortes. Parce qu'on a mis des mots dessus, on les a tués. Donc, en effet, sortir du langage pour retourner à un rapport aux choses qui soit en dehors des catégories du langage. Et là, on est dans un rapport de vie. Donc, en fait, la mort, elle est déjà là avec le langage. D'ailleurs, le langage, j'ai envie de dire, ça ne sert pas à grand-chose d'autre, mis à part à continuer à faire vivre les morts d'avant. Voilà, ça sert à ça, le langage. À tous ceux qui sont morts, bah, ils sont encore là parce qu'on parle d'eux. Voilà. Sinon... à communiquer, en fait, mais même pas, quoi. Enfin, on communique avec, à travers d'autres morts, c'est tout ce qu'on fait. Donc, en effet, se délier du langage, j'ai adoré, hein, t'as bien vu, se délier du langage, c'est-à-dire faire une rupture avec cet environnement mort dans lequel on est habitué à vivre, parce qu'on se le représente à travers des mots. Du coup, s'il n'y a pas d'autres réactions, je vais te laisser conclure là-dessus, je pense. Si ? Voilà, ouais, impeccable. Oui, je voudrais dire aussi que ce qui caractérise Nuit Debout, c'est que le langage n'est jamais seul, c'est-à-dire il est toujours accompagné d'une action. C'est-à-dire c'est un territoire où on peut agir. Et donc il y a des gens qui se passent de mots ici, et c'est pas seulement les plasticiens, ils sont là et par leur présence ils font que Nuit Debout existe. Il n'y a pas de mots pour, il y a pas de mots là. Moi, je vais te laisser conclure du coup. Par rapport à ce que tu disais, c'était, enfin, je suis d'accord avec toi, mais comme tu l'as dit, je pense que ce soit un peu choquant, mais simplement je veux dire. Pour finir, pour vous dire comme je suis doué, c'est quand j'étais ado que je connaissais rien de religion, de philosophie, ni de quoi que ce soit. J'ai passé mes journées à jouer. Enfin, pour vous dire, la culture dans ma famille, mon père était gendarme. Eh oui, ben, j'ai pas choisi. Hein. Mais quand j'étais ado, que je me baladais en ville, hein, et je voyais des gens normaux, on va dire. De temps en temps, ça me prenait l'envie de les prendre par les habits, de les secouer, dire « Mais bougez, mais dansez, mais faites quelque chose, vous êtes vivant. » Bon, pour moi, ça voulait dire plein de choses, mais bon, je ne l'ai jamais fait. J'ai compris que c'est un truc qui se fait pas, surtout. Surtout que bon, mon père m'aurait mis en prison s'il avait vu ça. Mais c'est comme tu disais, quelque chose qui est... On a une vie de mort. On est comme des mannequins, comme des automates, on est des automatismes, enfin, surtout à Paris, parce que pour moi ça me gêne beaucoup en Paris, mais... Parfois, par exemple, même dans le métro, il suffit de voir quelqu'un, de faire un sourire, et tout change. C'est possible, mais s'il y a un but derrière, ça ne marche pas. Si c'est comme ça, ça vient spontané, gratuit, et ça passe. Voilà, ça passe, tout passe. Nous, on passe aussi. on reste sur la terre pas trop longtemps. Alors autant prendre son pied. Parce que c'est un truc, une formule que j'utilise souvent, puis je vais finir là-dessus, dire, on n'est pas là pour s'emmerder. Merci de tout. J'ai encore deux questions en fait, donc si on y va, ouais, allez. Et donc du coup il y a Ulysse et après. Bon non, parce que ça va être trop long, mais j'ai une position complètement différente, parce que les langages, c'est à l'origine de la pensée. Et renoncer à l'histoire, c'est perdre tout le travail de plusieurs siècles, de plusieurs millénaires, peut-être même des millions d'années. Donc, je ne guiderai pas la chose avec la complexité. Mais on en parlera peut-être une autre fois. Merci. Merci. Oh, bonjour, mes amis. Comme disait le porteur de moustache, mon père il porte les moustaches, c'est pareil. C'est une grande signification chez nous, les Algériens. Bref, je voulais vous dire, par rapport à notre collègue qui a dit, quand vous voyez quelqu'un dans le métro et vous lui portez un sourire, tout ça, ça me rappelle quand j'ai connu Camille. En fait, elle m'a regardé et je lui ai fait un sourire. Elle m'a fait un sourire, je suis parti lui parler. Ça serait bien que beaucoup de couples se forment comme ça, parce que je vois qu'il y a pas mal de célibataires. Et vive la paix, vive l'Algérie, vive la France, vive tout le monde. Tout le monde, il est beau. Et merci beaucoup, très cher collègue. Merci à toi, pas de souci. Merci d'avoir tenu. Du coup, on a conclu ce débat. Merci beaucoup à vous tous et toutes d'avoir participé, parce que ça aurait pas été le même sans vous. Et du coup, on a fini la journée. Pour nous. Et pour qui ne savait pas encore, on était à la commission Debout Éducation Populaire. Du coup, je voulais juste avant que vous partiez rejoindre un peu ce qui se passe sur la place, vous dire qu'il y a une journée thématique le dimanche. Toucher le fil, voilà. Le dimanche 2 octobre. Est-ce qu'on dit le thème ou pas encore? Voilà, on a le titre. Donc, se connaître et faire ensemble, c'est ça. Ah, donc se connaître et faire ensemble, voilà la thématique de la journée du 2 octobre. Et donc on a préparé des ateliers, des débats autour d'idées un peu. On a commencé à en parler là dans le dernier débat. Donc ça sera un peu autour de ça. Voilà. On ne dit pas forcément plus pour l'instant, mais et alors donc ça sera de 15h à 15h. On n'a pas encore vraiment d'heure de fin. Enfin à 19h on arrêtera de faire certaines choses et ça se poursuivra encore un peu en débattant sûrement. Donc voilà, de 15h à au moins 19h, grand minimum. Voilà. Et donc sinon on est là aussi vendredi prochain donc pour l'atelier de 18h à 20h. Sur quelle société veut-on, et on est toujours sur le rapport aux autres, il me semble. Et donc ensuite, on sera là aussi, du coup, samedi et dimanche. Voilà. Merci beaucoup encore à vous, et à très bientôt.